bateau blanc croisé dans le triangle du diable. Orgueilleux, nous n'avions pas peur de toute la fable, quand soudain, sans aucune raison apparente, la tempête nous prit dans sa furie démente. Thank you. Thank you.